Il y a quand même des éléments de réflexion intéressants sur le mix énergétique, sur la question, le côté est-ce que chacun fera soi-même ou est-ce que ça sera industriel ou est-ce que c'est un entre-deux, le modèle kit, c'est-à-dire on a des choses presque faites mais on les monte en agence soi-même au final kit. Il y a des choses vraiment intéressantes. Oui, ils sont précurseurs d'ailleurs de beaucoup de choses. Effectivement. Les chauffe-eau solaires sont quand même maintenant se diffusent petit à petit. Voilà, c'est fabriqué par les Chinois, mais bon, c'est le seul truc qu'on a raté. Oui. Alors, les techniques qui sont présentées, enfin, dans Street Farm, Declinard 2 et chauffe-eau solaire, ont été toutes reprises à grande échelle et localement. C'est important à dire. Et pour la suite, disons, de ce qu'on a fait, je voulais mentionner un grand pan qui s'appelle l'autogestion, avec le Larzac, que l'on peut remettre dans cette catégorie, l'eau païs qui vaut le vivre, commune temps d'autogestion, dont l'une des bandes est entièrement consacrée à la commune et à son environnement, et qui comprend aussi le cas du barrage de Naussac, de Vendoncourt, de Grande-Synthe et de Coupe-Vraie. Et des expériences novatrices de partage du pouvoir entre élus et population. Et ça, c'est donc en 77. Et en 80, Alma Future, la production collective d'un quartier à Roubaix, par ses habitants. Et ça, donc, on prend note, on prend date pour une autre fois. Oui, mais c'est intéressant de voir le parcours, justement, effectivement, de la lutte contre ponctuelle, la réaction, de filmer une réaction à une installation nucléaire, à une réflexion plusieurs années plus tard, parce que, autour de la construction de collective de l'environnement de vie quotidien, avec aussi cette question de l'appropriation des techniques par les citoyens qui traversent plusieurs vidéos. Et comme dans commune autant de choses sur l'environnement, alors effectivement on passe à un degré supérieur, mais tout ça c'était dans une réflexion commune où les gens ont mis en place par exemple des appareils de mesure de la pollution c'était rapide on est passé de quelque chose de vague à quelque chose de mesuré où les gens prenaient ça en main on peut signaler aussi sur le plan de la vidéo, c'est intéressant, que dans Commune autant de gens, il y a Grande-Synthe, à côté de Grande-Synthe, il y a une centrale nucléaire, et ils ont pris ça aussi en charge. Et il y a un groupe vidéo qui s'appelle Vidéo Speed, qui a fait une action intéressante, où même là, on voit la caméra pénétrer face au CRS, etc. Et ils nous ont donné leur séquence, voyez, pour qu'on intègre dans commune le temps de l'autogestion. Il y avait des échanges quand même, sans fleurs, vidéo speed, etc. Entre les différents mouvements, il n'y avait pas des propriétés d'auteur, quoi. C'était l'époque utopiste peut-être, tu vois. Voilà. On regarde un extrait de Larzac, donc, qui est finalement une coproduction entre Vidéo 00 et Vidéo 0031, mais finalement vous formez une seule. À l'époque, il n'y avait que Vidéo 00, mais les Martinelli étaient à Vidéo 00. On a fait ce groupe. Alors après, en allant à Toulouse, ils ont fait Vidéo 00031 et des choses spécifiques. Ah oui, là on est avant leur départ à Toulouse. Mais avant leur départ à Toulouse, pour des raisons. D'accord. Et là, c'était en 73. Et là, c'était la première manifestation. Enfin, c'est l'une des premières manifestations de paysans, de professionnels, sur le Larzac. Donc ça donne. Et là aussi, ils s'expriment remarquablement bien. Ils analysent les relations avec les pouvoirs, comment faut jouer avec, etc. C'était un grand moment, de tactique. Et tous les paysans du Larzac étaient regroupés en GAEC, vous savez. Ça aussi, ça comptait. Alors là, il y a Yvonne à droite, là, voilà. C'est le vieux burger. Ouais. Je suis désolée, voilà, c'est là. Excusez-moi, Sébastien avait très bien calé l'extrême. J'avais fait bugger ensuite la chose. Donc... Avec le sénateur, c'est ça? Non. Non. Oh, parce qu'avec le sénateur, il y a... C'est presque comique. Alors, c'est indépendant. Ouais. Oui, c'était à la fin de l'extrême. Oui, ça, ça, mais ses mains comme un sénateur. C'est pas ça, c'est assez bizarre. Disons, c'était un colonel de Montauban qui est venu, un colonel intendant, je crois, qui est venu demander à la Confédération des producteurs de brebis, à Millau, combien de litres de lait il y avait de produits dans une zone. Alors le gars, il voulait d'abord savoir les limites exactes de la zone pour avoir des, pour pouvoir lui donner des chiffres précis. Bon, alors le colonel, quand même, au bout d'un moment d'hésitation, il est arrivé à lui fournir une carte. Alors le gars, il a gardé la carte, il dit, bon, je vais étudier ça, je vous donnerai le nombre de brebis, le nombre de litres de lait. Et alors le gars n'était pas plus bon que ça, excusez-moi le mot. Et il a photocopié la carte, et à partir de là, nous avons eu une idée du projet d'extension du camp. Bon, alors nous sommes servis de cette carte pour faire l'île aux blagues. Après, le préfet de Rodez nous a dit que nous lisions dans le marc de café. Alors que finalement, quand Debré, au début novembre, on a sorti son projet, c'était exactement la carte qu'on avait. Donc, on avait fallu dans le marc de café. Et c'est en principe, on pourrait dire, le gars qui n'a pas la télé, ou la radio, ou qui n'a pas les journaux, c'est très rare, si ça existait, le type ne sait pas en principe qu'il est exproprié. Donc, théoriquement, nous ne sommes au courant de rien. Nous voulons qu'on nous évacue. On n'a reçu aucun papier, aucun formulaire, aucune visite, rien. Le film est passé à la télévision. Le morceau où il y avait les enfants était sectionné. Il ne restait plus que deux vieilles femmes, une roue de charrette et des maisons en ruine. Ça, tout le monde peut le dire parce qu'on l'a vu à la télévision. Et alors, il y a des tas de gens qui ont dit, eh bien, si c'est ça le Larzac, pourquoi pas faire un camp militaire? En fait, c'est totalement faux, puisque nous sommes tous jeunes, à quelques exceptions près, et puis nous n'avons pas envie de partir d'ici. Regrouper assez rapidement, comment vous êtes organisé? Au départ, ça a été... On s'est un peu regroupé entre nous, on est allé voir le sous-préfet des Millau. On avait créé un petit comité de vigilance, alors le préfet en place à Rodez, parce que depuis il a été changé. Le préfet en place à Rodez nous a traité de comité ectoplasmique. Enfin, bon, depuis, le comité s'est créé en association de sauvegarde de l'Arzac. Puis bon, il a drôlement grossi, puisque la preuve, vous en avez donné parler un peu partout. Et la résistance aussi, elle s'est organisée à partir des agriculteurs d'abord. Puis maintenant, nous avons beaucoup de monde qui nous aide, même des officiers, même des généraux qui nous aident en active. Les gardiens du courage, parce qu'ils risquent de se retrouver comme corporal bientôt. Et il y en a qui sont des officiers de réserve qui nous aident, en fait, c'est là, ils sont peut-être moins de courage, parce qu'ils sont en réserve, ils sont en retraite. Mais il y a un truc assez bizarre, par exemple. Les commerçants, au début, ils étaient pour le cas, parce qu'on leur avait promis 2000 emplois, 1000 emplois, bon, maintenant les emplois, on n'en parle plus, à l'époque on parlait d'avant, maintenant on ne parle plus d'emplois. Donc ça a été un gros bloc, ce truc-là. Et les gens ont cru, les ouvriers, parce que le chômage est très important, les gens se sont dit, ça y est, ça va être mis en point, ça va être une grosse usine, nous allons pouvoir revivre, parce que le milieu, bien sûr, c'est pas terrible, les usines des grands fermes, en somme, c'est comme un gars de cerveau auquel on annonce qu'il y a un nouveau remède qui va sortir, le type, il a tout à fait espoir. En défendant l'Arzac, je ne fais que défendre à la fois les agriculteurs et les intérêts de ce département. Je suis en témoigné aujourd'hui et c'est pour ça qu'il m'est agréable de m'associer à la manifestation que vous avez organisée. Eh bien, merci à combien je suis au bout. Merci au nom de tous les agriculteurs du Larzac. Je ne fais que mon devoir. Peut-être vous demander à quel parti vous appartenez. Au groupe des indépendants. Et le groupe des indépendants actuellement est plutôt pro-gouvernemental. Oui, enfin, le groupe des indépendants, il est indépendant au plein sens du terme, c'est-à-dire l'indépendance. Il y a certains qui sont très gouvernementaux, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Je faisais partie de l'équipe qui était des moins gouvernementaux. Autrement dit, j'avais gardé toute mon indépendance. Je tiens à insister, et je tiens à préciser absolument ce point. Qu'est-ce que vous pensez de la politique de M. Debré sur le Larzac? Ah ben, je viens de le dire, je suis formellement contre cette politique. Je considère que c'est un handicap terrible, à la fois sur le plan humain vis-à-vis des agriculteurs que l'on va mettre à la porte, que l'on va exproprier, et sur le plan d'économie générale de notre département, parce que ça va nous porter un handicap considérable avec les rapports que nous devons avoir sur le sud de la France. Mais en fait, les agriculteurs n'avaient pas été informés officiellement que vous alliez être expropriés. Qui interview, en fait, Michel, c'est vous ou c'est... On ne sait pas. On ne sait plus qui filme, qui interview. En principe, c'était moi au début. Mais... Au début, il y avait Yvonne, mais là, la voix à gauche, c'était certainement Serge, mais ou peut-être quelqu'un de l'assistance, hein, du groupe. Là. C'était presque du. Il faut remercier vivement, j'y pense, au terme de la projection de cet extrait, Patrice Bénard de l'Université Paris 8, qui en fait a fait le transfert très rapidement et dans une belle qualité de cette vidéo, effectivement. Il l'a même restauré, en fait, en un temps absolument record, donc on tient vraiment à le remercier. Oui, c'est vrai. Chaleureusement, c'était le sous-marinier qu'évoquait Jean-Henri Roger lors de sa séance. Voilà. Oui. D'accord. On souhaiterait qu'il intervienne sur les autres. Qu'on espère faire venir aussi, réussir à faire venir une fois. On va continuer à travailler avec lui. On voudrait l'entendre aussi. Il a des compétences irremplaçables.